Toute l'équipe de Jean Dumas Hyundai souhaite joyeux Noël et bonne année à toute sa clientèle et à la population. Et pour vos différents besoins de véhicules neufs ou usagés, l'équipe de Jean Dumas Hyundai de Saint-Félicien vous conseillera avec le même professionnalisme et le sourire pendant la prochaine année. Jean Dumas Hyundai, 700 boulevard Sacré-Cœur Saint-Félicien, 88-679-4775. Et n'oubliez pas de visiter notre page Facebook pour nos nombreux spéciaux et les nouveautés dans les voitures d'occasion. L'équipe de Gagnon Hébert Arpenteur Géomètre souhaite de joyeuses fêtes à toute la population ainsi qu'à sa clientèle et les remercie de la confiance témoignée durant l'année qui se termine. Gagnon Hébert, Arpenteur Géomètre, 118 rue de Quin, Dolbeau-Mistassini, 418-276-8724. Gagnon Hébert, Arpenteur Géomètre, vous offre un service à la mesure de vos droits. Ici Marie-Claude Tremblay, directrice générale de la Caisse des Jardins du Nord du Lac-Saint-Jean. Et Luc Girard, directeur général de la Caisse populaire des Jardins et Plaines de Montréal. Nous profitons de cette période de réjouissance pour vous remercier chaleureusement de la confiance que vous nous témoignez. Au nom des dirigeants et du personnel de nos deux caisses, meilleurs vœux de bonheur, santé et de prospérité pour la nouvelle année. Et qu'elle vous permette la réalisation de vos vœux les plus chers. À tous, joyeuses fêtes! C'est la chronique du baseball majeur avec notre ami Bruno Boudreau. Salut Bruno! Salut Dan, ça va bien? Ça va bien, Bruno. Évidemment, c'est tranquille dans l'actualité. Il y a eu des rumeurs, mais pas tant que ça quand même non plus. Ça signe pas beaucoup. Les dernières rumeurs qui entend Manny Machado, je sais qu'il a visité les Phillies de Philadelphie hier, mais tout indique qu'il va s'en aller avec... Moi, je pense que les Yankees sont largement favoris. Ben, présentement, je suis d'accord avec toi, dans le fond, là, dans les trois équipes qui sont sorties. Il y a les White Sox aussi, là, qui sont quand même agressifs dans le dossier Manny Machado. Mais pour l'instant, là, les Yankees semblent bien positionnés. Quoi, faut pas enlever les Phillies, là. Le propriétaire qui avait dit qu'il était prêt à faire une dépense folle va peut-être mettre un 40 ou un 50 millions de plus. Ça pourrait aller jusque-là pour tenter de l'attirer. Mais je pense que si Machado veut laisser, là, sa place, en plus, là, au niveau des Yankees, il y a vraiment une équipe là, qui est peut-être plus compétitive que ce qu'on retrouve à Philadelphie. C'est une division qu'il connaît, puis c'est un marché aussi qui pourrait lui plaire. Donc, présentement, les Yankees font figure de favoris, mais c'est quand même surprenant qu'en ce 21 décembre, ni lui, ni Bryce Harper n'a encore signé. Et comme tu disais, il n'y a pas beaucoup d'actions. Tu sais, il y a des transactions, il y a des petites signatures, mais ça ressemble pas mal à l'année passée. Il y a des gros noms qui vont signer en janvier puis en février, puis peut-être même au début du camp d'entraînement. Oui, effectivement. Il y en a 6. Que je faisais l'entrevue que la revue de l'année que vous allez entendre avec Mark Griffin dans les fêtes. Et Mark disait qu'il y en a actuellement 6 joueurs autonomes. C'est pas beaucoup, là. Ouais. C'est comme l'année passée. Ça ressemble beaucoup à l'année passée. Par contre, on sent plus que le mouvement. Tu sais, on sent que ça bouge plus que l'année passée. Pareil, il y a plus de tractations. Tu es d'accord avec moi? Oui, puis il y a plus. Il y a aussi plusieurs échanges. Entre autres, j'ai vu aujourd'hui, là, il y a eu un échange où les Rangers ont échangé là, le jeune Jerickson Profar du côté des A's d'Oakland. Donc, on voit qu'il y a quand même eu plusieurs transactions. C'était une transaction à 3 équipes. Donc, il y a eu quelques mouvements de personnel. Puis, il y a eu aussi plusieurs signatures. L'année passée, il y a beaucoup de joueurs qui ne signaient pas dans les vétérans. Mais je regardais comme cette semaine un gars comme Daniel Murphy qui, depuis une couple d'années, là, se promène avec des équipes qui sont candidats pour gagner la Série mondiale. Il a joué pour les Mets. On se souvient de ce qu'il avait fait contre les Cubs. Ensuite, il a joué pour les Nationals. Il est allé en série. Il a joué pour les Cubs en série. Il a joué un peu partout. Et là, ça va avec les Rockies qui ont participé aux séries au cours des 2 dernières années. Donc, on voit que des joueurs comme ça, Joaquin Soria qui a signé à Oakland. Donc, il y a des joueurs qui ont connu du succès ou qui se sont promenés dans des équipes en série des dernières années. Bien, ça signe des contrats. Yan Kinsler. Donc, il y a plusieurs contrats cette semaine qui ont été signés. Fait que je suis un peu d'accord avec ce que tu dis. Il y a plus de mouvements que l'année passée, mais ça reste que les gros noms. Les gros contrats sont pas encore sortis. Puis c'est ce qu'on va voir. Est-ce que ça va être annoncé dans le cas de Machado sous peu ou est-ce que ça va être annoncé juste au retour de la période des fêtes? Ça sera à surveiller. OK. Bruno, également, c'est une grosse décision. Je parlais avec Michel Laplante, qui était un précurseur du baseball cubain. Je parlais avec Mac Griffin encore, dans l'entrevue, vous allez entendre dans les fêtes. Et Michel qui va être là également pour expliquer tout le baseball cubain. Mais semble-t-il que t'as-tu été surpris de voir ça? Michel a été surpris, lui, parce qu'il a dit, garde, on n'a jamais entendu parler de ça. Puis là, ça tombe bang de même. T'as-tu été surpris de voir ça? Ben, en fait, où je le rejoins, tu sais, je suis loin de connaître le baseball cubain comme ça, sauf que c'est pas quelque chose qui avait transparu. Non. Dans le fond, on n'avait pas eu aucune rumeur, ça se discutait pas beaucoup. C'est pas quelque chose qu'on avait vu des insiders sortir récemment, donc c'est vraiment arrivé un peu de nulle part. Et ça montre un peu là, l'évolution, évidemment, des relations entre les États-Unis et Cuba, mais aussi ça montre un peu à quel point le baseball suit, moi je le vois vraiment comme la continuité des tendances des autres sports. Hein. Mmh. On a annoncé cette année qu'on allait aller jouer à Londres, donc les Yankees et les Red Sox vont jouer des matchs de saison régulière à Londres, la NFL va déjà à Londres, on sait qu'ils veulent éventuellement avoir d'autres franchises, peut-être déménager des équipes au Mexique, peut-être même une équipe à Londres éventuellement, on regarde au hockey. C'est pas fou de penser qu'un jour il y aura peut-être une division de la Ligue nationale en Europe. On le voit déjà, on va jouer en Chine, on va jouer en Finlande, des matchs de saison régulière. Donc, on voit que la plupart des ligues tentent d'aller plus sur un caractère international. Puis dans le cas du baseball, ben un, ça va laisser beaucoup plus de possibilités aux espoirs cubains, fait qu'il va y avoir plus de joueurs cubains qui vont rejoindre les majeurs, et ça va juste augmenter le calibre de jeu. Donc, on a plus de Japonais avec les nouveaux contrats qu'on a signés de déplacement de joueurs avec les équipes japonaises. Même chose avec Cuba. Fait, moi, je vois vraiment le baseball continuer, là, puis Rob Manfred a souvent dit, on parle du retour à Montréal, ça en fait partie aussi. Donc, aux États-Unis, je pense qu'ils ont fait le tour des marchés, puis là, on veut continuer de rendre le sport plus international, puis c'est la tendance que les grands sports prennent. Puis, je trouve que cette ouverture-là, oui, c'est un rapport États-Unis-Cuba, c'est certain, mais en même temps, c'est un autre pas du baseball d'attirer encore plus de joueurs d'une autre nation puis de rendre encore plus international le sport, malgré qu'il y a déjà des Cubains, ça va encore donner une opportunité plus grande aux joueurs de venir. Ben, les joueurs cubains, écoute, moi, ce que Michel me dit, il dit par contre, c'est plus ce que c'était, là. Les gens, faut que, écoute, puis moi, j'ai été très surpris d'apprendre ça. Tu sais, des Yacel, il va y en avoir encore des Yacel Puig, des Cespedes, des Gurriel, mais tu sais, à un moment donné, on disait que le baseball à Cuba, c'était une pépinière, c'était incroyable, mais semble-t-il que c'est plus ça, là. J'ai hâte de voir l'impact que ça va avoir sur le baseball majeur, parce qu'il va, écoute, quand les Japonais, quand Hideo Nomo est arrivé, t'as vu quand même plusieurs Japonais arriver par après, là. Oui, puis ce que je trouve, puis je pense que là-dessus, c'était bien documenté aussi, là, cette semaine, je disais plusieurs analystes qui disaient un peu la même chose, que ça va apporter, ça va être peut-être juste plus de diversité, plus de profondeur. Tu vas avoir des joueurs, justement, qui vont venir amener soit de la vitesse, soit de la puissance, soit des frappeurs qui sont assez expérimentés, qui ont peut-être 7, 8, 10 saisons à Cuba dans des ligues professionnelles, ben, tu vas peut-être les voir dans le 3A comme frappeurs désignés, tu sais, des choses comme ça. Fait que ça va amener plus de profondeur dans les clubs, mais de là à penser que ça va amener plus de vedettes, probablement pas, parce que les joueurs vedettes faisaient déjà défection de toute façon. Puis c'est comme au Japon, les joueurs vedettes comme des Shani Ohtani finissent toujours par arriver. Fait que le contrat va faire en sorte qu'éventuellement, il va peut-être avoir de plus en plus de Japonais qui vont s'en venir. Mais pourquoi qu'on n'en voit pas tant aussi, c'est quand un joueur, exemple japonais, n'est pas certain d'avoir un contrat ou n'est pas certain de performer, il n'y a pas une immense différence salariale entre rester au Japon puis être dans peut-être le premier tiers des meilleurs joueurs de la Ligue ou d'avoir une place comme 24e dans une équipe du baseball majeur. Souvent, ça ne vaut pas la peine de se déplacer puis de déménager pour eux. Par contre, pour les joueurs cubains, ça va peut-être leur donner un incitatif. Et ça ne me surprend pas qu'on en voit beaucoup plus dans les réseaux de filiales. Mais est-ce que ça va avoir un impact? Ça va être intéressant de suivre. Oui, effectivement. Des majeurs. Dossier des Rays. J'en ai parlé beaucoup cette semaine. On en a parlé beaucoup. Autant sur les médias sociaux, j'en ai parlé. Comment tu as vécu ça, toi? Est-ce que ça veut dire que les... Moi, j'ai des... Ça fait longtemps que je dis que les expos reviennent en 2020. Ça fait 3 ans que j'ai dit ça. Puis plus ça va, plus ça sent bon, hein? Puis je parlais justement avec Marc, encore dans le podcast que vous allez entendre à temps des fêtes. Probablement que la lettre a été faite pour créer une espèce de réaction. Mais il n'y a aucune réaction à Tampa Bay actuellement, là. Non, puis quand je regarde ça, tu sais, moi, dans le fond, où est-ce que je me positionne, je trouvais que la, tu sais, tu parlais de Marc, là, et j'ai trouvé que son résumé sur le site d'RDS était très, très bon quand il décortiquait le dossier. En fait, je le regarde vraiment sur l'angle positif. Tu sais, dans le fond, comment que je vois le dossier, c'est vraiment que tous les éléments sont positifs. Le fait qu'un gars comme Bronfman se promène à gauche et à droite sur les tribunes puis se prononce là-dessus, c'est positif. Le fait que le commissaire du baseball, Rob Manfred, parle souvent de Montréal, c'est positif. Le fait qu'on déclare des choses comme « on construira pas de stade avant d'avoir une garantie d'une équipe », ça veut dire qu'on est plus avancé dans les propositions qu'on veut l'entendre. Le sondage qu'on a fait a eu des échos positifs. La communauté d'affaires de Montréal semble être bien mobilisée derrière le projet. Fait que pour moi, c'est tous des éléments qui sont positifs. Et ce sont ces éléments-là qui, pour moi, doivent être mis de l'avant. Maintenant, est-ce que ça veut dire que ça va être en 2020? On le souhaite. Ça pourrait faire du sens. Mais c'est sûr que du côté de Tampa Bay, tu sais, on a vu à Oakland, il y a un projet de stade, puis bon, on tente un peu de sauver la franchise. Déjà que là, il y a une équipe qui va quitter avec les Raiders, donc on ne va pas perdre nos sports professionnels au complet du côté d'Oakland. Et Alors que du côté de Tampa Bay, on sent que, on dirait que c'est comme acquis. C'est comme si dans une année, puis je disais un excellent article d'un journaliste de Tampa Bay, puis c'est comme s'il disait, ben, les gens, dans le fond, ce qu'ils nous donnent comme message, c'est nous, là, l'automne, c'est la NFL avec les Buccaneers. Après ça, on suit le Lightning de Tampa Bay tout le long de la saison de hockey. Puis après ça, en même temps que la saison de hockey finit, on a les camps d'entraînement du baseball, puis l'été, on est en vacances. Fait que, dans le fond, lui, il voyait vraiment comme ça. Il sent pas d'intérêt là-bas, autant de la part des partisans, autant d'intérêt de la part de la communauté d'affaires. Donc, ils vont peut-être réussir quand même à sauver l'équipe. Mais ça va vraiment être un désir du propriétaire. Si le propriétaire décide là-bas que ça en est assez, à ce moment-là, ça va être terminé. Puis pour Montréal, ben, ils sont vraiment avantageusement positionnés. Puis si jamais ça vient par l'expansion, ben, c'est un peu la même chose. T'sais, ils vont régler le cas de Tampa Bay éventuellement. Puis si jamais ils décident de le régler, là, l'expansion pourrait être annoncée. Puis rapidement, Montréal serait positionné. Fait que je dirais peut-être pas 2020. Je dirais 2020 s'il y a un déménagement. Puis s'il y a une expansion, je pense qu'on est rendu dans 5 ans et moins. Là, parce que le baseball veut monter à 32 équipes pour les séduire les compagnies. Pour avoir plus de revenus et tout, c'est vraiment l'avenue qu'ils veulent aller jusqu'à 32 équipes. Fait que moi, je m'attends que cette décision-là soit prise des 5 prochaines années, puis il va y avoir aussi la négociation collective. Fait que c'est tous ces éléments-là qui font que c'est favorable. Fait que moi, je vois ça vraiment très, très positif. Je suis pas vraiment dans le comparatif entre le retour des Nordiques. Puis, j'entends beaucoup de gens parler. J'embarque pas dans ces discussions-là. Je suis vraiment plus sûr. Quand je regarde le dossier des expos, je trouve ça que le look est positif. Puis je le regarde vraiment comme un dossier proprement dit. C'est incroyable ce qui se passe. En tout cas, Bruno, on fait une pause, puis on revient dans quelques instants. Vous êtes à l'écoute d'une entrevue de baseball avec notre ami Bruno Boudreau. Ici Jean-François Baudry, directeur général de la Maison funéraire Hébert et Fils. Le temps des fêtes nous donne l'occasion de vous redire merci pour la confiance que vous nous témoignez. La direction ainsi que les membres du personnel se joignent à moi pour vous transmettre leurs meilleurs vœux du temps des fêtes. Que ces moments privilégiés passés en famille demeurent à jamais gravés dans vos mémoires. La Maison funéraire Hébert et Fils vous souhaite de très joyeuses fêtes et une bonne et heureuse année. Chez Dolbeau Auto, on salue la période des fêtes en grand avec le Silverado 1500 2018 à 0% pour 72 mois. Monsieur Stéphane Fortin et tout le personnel souhaitent un très joyeux Noël et une bonne année à toute sa clientèle et soyez prudents pendant la période des fêtes. Dolbeau Auto, au 1770 boulevard Walbrook, Dolbeau-Mistassini au 418-276-0580. La direction et le personnel du restaurant Midas vous souhaitent de joyeuses fêtes. Paix, santé et bonheur sont les vœux du propriétaire, M. Danny Potvin, qui vous invite à venir goûter son nouveau poulet frit qui fera le délice de tous. Le restaurant Midas est situé au 1084 route 169 Saint-Félicien, au numéro de téléphone 418-679-0900. En ce moment de... BR Metal, avec ses 4 divisions mobilierpublic.com, BR Industrie, Aluco, et BR Peinture désire souhaiter un très joyeux Noël et une bonne année à toute la population. BR Metal est un employeur important dans le secteur de Dolbeau-Mistassini et continue sa croissance. BR Metal est situé au 353 rue Gustave Dessureau, au numéro de téléphone 418-276-5888. La période des fêtes est un bon temps pour se faire de bons repas. À la boucherie François Ladeau, nous offrons tout ce qu'il faut pour vous accommoder pendant cette belle période. Une boucherie où la viande est de qualité et d'une fraîcheur irréprochable est servie avec le grand sourire. Tous les employés de la direction de boucherie François Ladeau sur 227 6e avenue à Dolbeau-Mistassini vous remercient de votre confiance témoignée pendant l'année qui s'achève et vous souhaitent un très joyeux Noël et une bonne année. Boucherie François Ladeau au numéro de téléphone 418-276-4888. Samedi 22 décembre, 20h, le multiconcessionnaire de Dolbeau-Mistassini reçoit la visite des excavations à savoir de la Haute-Côte-Nord au complexe sportif de Dolbeau. Prix du billet seulement 8$. Venez voir du hockey de haut calibre avec des joueurs d'ici. Go Multi, go! On est de retour avec notre ami Bruno Boudreau. Bruno, on fait une petite revue de l'année avec toi aussi. Ça a été l'année des Red Sox de Boston cette année. Ah, vraiment, écoute, je disais là-dessus cette semaine, pis c'est le fun des fois de prendre un peu de perspective. Hein, tu sais, quand la série mondiale est finie, on l'avait dit, tu sais, les Red Sox ont été dominants d'un bout à l'autre, mais tu sais, quand tu regardes, tu vois un peu aussi les mouvements personnels, tu sais, souvent, ça va donner dicter un peu l'état des forces. Puis malgré, justement, bon, on a dit tantôt qu'il n'y avait pas beaucoup de signatures, mais malgré ça, tout ce qu'il y a eu comme mouvement, tu sais, les Red Sox n'ont pas beaucoup bougé, ils n'ont pas à bouger beaucoup pour s'améliorer. Non. Et c'est là que la pression, tu sais, on parlait des Yankees comme étant les favoris pour Machado. Les Yankees, là, ils peuvent pas, tu sais, dans le fond, ils peuvent pas arriver puis ne pas signer ou Machado ou Harper. Il faut qu'ils fassent une manœuvre pour tenter de rattraper Boston. C'est comme eux qui ont la pression. Pendant longtemps, c'est les Red Sox qui essayaient de trouver la façon de rattraper les Yankees. Puis là, c'est regarder à l'inverse. Puis les Red Sox, qui est avantageux pour eux, c'est qu'ils n'ont pas à investir, justement, parce qu'ils ont tous les éléments. Même si Craig Kimbrell n'est pas de retour, ils vont trouver quelqu'un pour venir fermer les matchs. Puis on se souvient, on a parlé dans toute l'année, Kimbrell, ça a été, oui, il a été dominant, très dominant par moment, mais par moment aussi, ça a été un vrai jeu de cartes, un vrai paquet de surprises. Puis c'est pas dans la mentalité d'investir de la grosse argent sur un releveur de fin de match. Fait que moi, je pense que les Red Sox, non seulement ça a été la grosse année, ça a été leur année, mais ça m'a aussi convaincu du talent de leur jeune noyau de joueurs, les Mookie Betts et compagnie. On se disait, c'est des gars depuis une couple d'années qui performent, est-ce qu'ils vont finir par gagner? Puis là, ils ont gagné. Fait qu'ils vont devenir encore plus dangereux. C'est une équipe Boston qui est clairement parmi les favoris pour l'emporter l'année prochaine. Et toute l'année, on a attendu que ça tombe. Ça n'a jamais tombé. Fait que chapeau. Dans le fond, ils ont dominé le camp d'entraînement. Ils ont dominé la saison. Ils ont dominé les séries. Gagné la série mondiale. Puis en ce moment, ils ont encore une des meilleures équipes pour 2019. Fait que c'est clairement l'organisation de l'année, les Red Sox, en haut du favori. Dave Dombrowski, écoute, on parle beaucoup de Larry Walker comme membre du temps de la renommée prochain Expo. Mais Dave Dombrowski, je m'excuse, c'est lui le prochain Hall of Fame des Expos. Oui, carrément. Je trouve que ton point ne peut pas être mieux amené. Dans le cas de Walker, je suis loin d'être sûr qu'il va finir au temple de la renommée. Tant mieux s'il l'est, là, mais je suis loin d'être certain qu'il y a des critères pour s'y rendre. Mais dans le cas de Dombrowski, ça a vraiment venu rajouter à toute sa feuille de route. Hein. Ouais. Vraiment impressionnant dans le développement des joueurs, dans la façon qu'il a monté, ses équipes. Puis c'est vraiment, c'est un honneur qui serait vraiment mérité. Puis ça l'a placé là avec tout son parcours depuis le début avec les Expos. Fait que, tu sais, moi, quand je regarde ça, on parle des Red Sox, on a parlé des Yankees qu'il faut qu'ils fassent une manœuvre, puis ça nous ramène sur les Blue Jays, hein, les Blue Jays qui, cette année, ont eu des difficultés, bon, ils ont eu plus qu'un million de partisans de moins qui ont franchi les tourniquets. Fait que là, on va se virer vers l'avenir, 2019, ça va être l'arrivée de Vladimir Junior, puis on va vraiment se lancer là-dessus, mais ça risque d'être quand même deux, peut-être trois saisons plus difficiles à Toronto, là, avant qu'on se remette dans les rangs là, pour compétitionner. Écoute, c'est une division qui est vraiment féroce avec Boston et New York là, qui sont au haut du pavé, puis les Rays qui surprennent. Fait que ça va être un fun à suivre en 2019, l'arrivée de Vladimir, mais l'année 2018, on peut vraiment en dire. T'sais, ça fait une couple d'années, on se disait la fenêtre à Toronto, on commence à se fermer. Bon, on sent que cette année, c'était vraiment OK. Là. La fenêtre qui s'est ouverte avec deux participations. Tout ce que Alex avait fait, dans le fond, pour ouvrir une fenêtre de championnat à Toronto. Puis on s'était dit ça va durer 3 ou 4 ans, mais on a senti cette année, c'était vraiment la dernière année, puis ça s'est fermé. Là. C'est parce que ça s'est fermé, parce que la direction est faite. Pas compliqué. Depuis que Mark Shapiro et Ross Haskins sont là. Les Jays, c'est incroyable. Là. C'est sûr que moi, je comprends pas la direction de Rogers. Parce que rappelle-toi, là, on va parler de business un peu du sport. Rappelle-toi lorsque l'année que les Blue Jays sont arrivés, ont participé au championnat, là, c'était les Jays mur à mur partout. L'action de Rogers a monté 40%. Ouais. L'action, le business, au niveau de la business, c'est carrément les Blue Jays qui ont fait faire ça. Là. Et ouais. Là, arrive et Shapiro, puis. On est complètement revenu, on dépense beaucoup moins, on est très très conservateur. C'est tellement décevant ce qui se passe, parce que moi je suis convaincu que si on a été plus agressif, puis je regarde encore sur le marché des joueurs autonomes cet hiver, ils bougeront pas là. Il y a des rumeurs qui circulent que Dallas Keuchel, moi je crois pas que Keuchel va se ramasser à Toronto là, mais tu sais, il y a jamais eu de grosses signatures, il y a jamais eu de gros coups. Tu sais, je trouve ça très dommage. Oui, OK, ils bâtissent un bon réseau de filiales. Je suis bien d'accord, Vladimir, c'est un exceptionnel. Mais les autres, là, c'est Alex l'a prouvé. Hein. Il y a un que Noel Syndergaard qui a été échangé, qui performe. Syndergaard pour deux championnats, ça vaut la peine. Oui, puis tu sais, quand tu regardes ça, on met beaucoup de blâme sur Shapiro. Puis tu sais, dans le fond, lui, il a été emmené là avec cette mission-là. T'sais, dans le fond, on comprend mieux pourquoi c'est lui qui est là. C'est Rogers, il y a eu des rumeurs à un moment donné qui voulaient se départir de l'équipe. Je pense pas qu'ils soient. Je pense qu'ils ont empoché tous ces profits-là, puis l'action qui a monté, puis ils en ont bien profité quand ça a passé. Ça a fait monter aussi la valeur de la franchise. Puis ça ne me surprend pas. Là. Ça fait quand même peut-être plusieurs années avant là, qu'on sentait que tranquillement, peut-être que Rogers allait se diriger vers là. Fait que c'est sûr que pour les partisans, les Blue Jays, ça demeure un petit peu préoccupant parce que tu te dis. Bon, on a été, je sais plus combien de millions c'est à les Rays, dans pas... les matchs. Tu sais, je l'ai dit à Jacques Doucet cette année, j'ai dit, c'est quand même pas les Rogers, c'est quand même pas les Rays de Tampa Bay, là. C'est quand même pas dans des expos, ils ont les moyens de le faire. C'est très décevant, leur attitude. Ben c'est ça. En fait, c'est que la fenêtre s'est ouverte, puis ils ont profité un peu du revenu qui est arrivé par là. Ouais. Mais à un moment donné, je pense qu'ils se sont dit aussi, on va changer un peu le modèle, se retourner vers un modèle un petit peu plus conservateur. peut-être qu'il sentait que l'équipe, finalement, allait rapidement arriver à échéance puis qu'il ne voulait plus investir dedans. Mais en même temps, ça laisse quand même l'impression qu'on n'est juste pas allé jusqu'au bout. T'sais, ça aurait peut-être été une année de plus à sortir, peut-être un 50, 60 millions encore en salaire, 2-3 joueurs autonomes pour 2 ans à gros salaire puis essayer de donner un dernier coup. T'sais, on sent qu'on n'est pas été au bout de cette fenêtre-là. Puis souvent, ce qu'on voit dans d'autres équipes, c'est qu'on finit par avoir une équipe performante pendant 3, 4, 5, 6 années. Puis ça, on le voit. Alors que les Jays, on l'a été pour 2 ans, puis ça a été tout. Fait que je ne sais pas si leur idée, c'est de tenter de repartir quelque chose qui va être plus solide plus longtemps, ou c'est Rogers qui, de l'autre côté, dit non, nous, on veut s'assurer de ne pas trop perdre d'argent là-dedans, pas trop d'investir non plus de ce côté-là, puis on va essayer de vendre l'équipe. Fait que j'aurais tendance à dire que c'est plus la deuxième option. Tu sais, on voit, ils ont annoncé cette semaine, ils vont rénover le stade à Dunedin. Ouais. Mais aucun investissement qui est prévu non plus sur le Rogers. Puis c'est ça, ils l'ont fait avertir par le commissaire. Hein? Exactement. Fait que dans le fond, c'est. À un moment donné, faut que tu fais des profits, mais faut que tu réinvestisses pour. Tu sais, c'est comme une génération. George Steinbrenner, on a beau pas aimer les Yankees, mais il dit toujours la même chose. Moi, j'investis mon argent, elle rapporte de plus en plus, puis c'est une roue qui tourne. Pour dire qu'à Toronto, là, on a décidé de prendre une option de dire non, on va continuer à. On investit moins, c'est pas grave s'il y a moins de monde, on paye moins de masse salariale, puis tranquillement, on va ramener ça de façon plus conservateur. Puis c'est un peu décevant pour le partisan parce que c'est sûr que le produit sur le terrain est moins bon. C'est sûr que je parlais à Marc, puis moi j'ai suivi beaucoup les filiales, je suis un amateur de filiales, puis ça part des expos, là. T'sais, écoute, j'ai vu les Randy Johnson arriver, j'ai vu les Marquise Grissom, j'ai vu les Larry Walker. Tu sais, quand ils sont arrivés à Montréal, quand les gens apprenaient à les connaître, moi ça faisait longtemps que je les connaissais parce que je lisais beaucoup à l'époque. Puis les Blue Jays, ça me fait penser beaucoup, beaucoup à ça, là. Ils ont un noyau de jeunes, là. C'est incroyable, Bichette, écoute, Bichette, Smith, Guerrero, c'est incroyable, les jeunes lanceurs également, Nate Pearson, donc c'est vraiment intéressant. Par contre, tu sais jamais tant qu'ils sont pas rendus des majeurs, hein? Comment ils vont se développer? Non, exactement. Donc, dans le fond, présentement, ça fait bien, là, les Blue Jays, il y a 2-3 ans, peut-être qu'avec qui, dans les pires réseaux de filières, sont rendus dans les meilleurs. Mais un réseau de filiales qui est très bon, je pourrais t'en nommer 10-15 dans les 10 dernières années qui n'ont pas réussi. Puis on regarde même autour, là, je disais aujourd'hui justement les White Sox, qui vont aller chercher exemple un gars comme Manny Machado. Ben finalement, l'année passée, il y avait leur jeune frappeur de puissance Urias, ils l'ont ramené juste là parce que, encore une fois, comme Vladimir, c'était plus pour les années de service. Mm. Mais dans le cas de leur meilleur espoir au monticule, Michael Kopech, qui est un lanceur vraiment dominant, il s'est défait le bras en fin de saison, il sera pas là avant 2020. Fait que là, tout d'un coup, tu prends un recul parce que c'est lui qui est supposé être ton lanceur numéro 1 l'année prochaine. Là, personne d'autre. Et tu vois, ça peut dérailler très, très rapidement. Alors, quand tu as une occasion, tu sais, quand la fenêtre s'ouvre, ben, ça aurait peut-être été intéressant, comme on revenait à ce qu'on disait tantôt. Quand la fenêtre était ouverte, ça aurait peut-être été bon d'aller jusqu'au bout de cette ouverture de fenêtre-là. Parce que quand elle se referme, on voit des équipes, tu vois, regarde les Royals, par exemple, qui ont 2 saisons consécutives qui ont été bons. Ça va leur prendre un 4-5 ans avant de redevenir quelque chose comme ça. Mais au moins, quand ça a été le temps, à ce moment-là, ils ont fait les échanges puis ont fini par gagner la Série mondiale, ce que Toronto peut pas faire. Bruno, gros merci. Joyeuse fête. Bonne année. On va se reparler. J'ai l'impression qu'on va se reparler. Là, notre chronique baseball va prendre une pause un petit peu. Mais elle va être là au besoin. T'sais, on parlait de baseball à toutes les semaines, même après la saison. Mais là, je pense qu'on va prendre une pause. Et là, on va y aller selon l'actualité. Fait que Bruno, j'ai l'impression que je vais te rappeler tout de suite après la fête parce que Harper et Machado vont signer à ce moment-là. Ouais, ça va être quelque chose à surveiller. Je te souhaite une belle année aussi, Dan. Au plaisir de se reparler en 2019. Donc, Bruno, notre spécialiste de baseball.